la foire à Écône. Tra la la la la l'air. Ah mon Dieu qu'il décolle. Tes bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle. Tes bras droits sur la terre. Viendra le nouveau schisme, trahir le catéchisme que l'on nous enseignait. À Rome on fait des bulles, on tient sous sa férule ceux qui veulent scinder. À Rome on fait des bulles, on tient sous sa férule ceux qui veulent scinder. C'est la foire à l'école, tra-la-la-la-la-lèvre. Ah mon Dieu qu'il décolle, des bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle, des bras droits sur la terre. Les uns sont progressistes et les autres intégristes. Mon Dieu quelle euphorie. Et les je te menace, et les je prends ta place, les je t'excommunie. Mais les je te menace, et les je prends ta place, les je t'excommunie. C'est la foire à école, tra-la-la-la-la-l'air. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Les uns croient au spectacle et les autres au miracle. Votre linge lavé, le dans vos catacombes. Si quelques têtes tombent, on n'est pas concerné. Oui, dans vos catacombes. Si quelques têtes tombent, on n'est pas concerné. C'est la foire à école, tra-la-la-la-la-l'air. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Pendant ce temps s'amusent ces gens que l'on abuse de symboles fléaux. Ne croyez-vous, chers frères, pas que pour nous distraire l'attraction soit rétro. Ne croyez-vous, chers frères, pas que pour nous distraire l'attraction soit rétro. C'est la foire à école, tra-la-la-la-la-l'air. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. C'est la foire à l'école, tra-la-la-la-la-l'air. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre. Ah mon Dieu qu'il décolle, tes bras droits sur la terre.